les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Voici la dernière partie des carnets mexicains de Roger Pilaudin, une série d'entretiens réalisés à Mexico en 1971. Pour ces deux derniers épisodes d'une série de 12, Roger Pilaudin a rencontré des étudiants et des professeurs d'université, tous encore très marqués par la répression sanglante du mouvement de protestation de 1968. Le 2 octobre de cette année-là, une fusillade fit des centaines de morts sur la place des Trois Cultures à Mexico. Université San Marcos. Les carnets mexicains d'aujourd'hui et de demain rendent compte d'une rencontre avec des étudiants et des professeurs de l'Université San Marcos à Mexico. Étudiants et professeurs qui ont vécu les événements tragiques d'octobre 68 sur la place des Trois Cultures, événements auxquels a fait allusion Carlos Fuentes lors de précédents carnets, et dont eux essayent d'analyser les causes et les conséquences 2 ans après. Il y a différentes interprétations là-dessus, n'est-ce pas? Une des premières, c'était que le gouvernement était intéressé et me faire aborter une prétendue complot qui devait exploser au moment des Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Et donc, que le gouvernement a préparé, même de façon agressive, n'est-ce pas, un conflit pour arrêter certains membres de la gauche mexicaine qui... On supposait devait participer dans ces complots au moment des Jeux Olympiques. On ne peut pas accepter l'hypothèse, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'évidence là-dessus. En tout cas, depuis le premier moment, on a arrêté certains membres du Parti communiste mexicain. Mais je ne crois pas que le Parti communiste était au point de préparer un complot à ce moment-là, n'est-ce pas? Puis le problème s'était compliqué extraordinairement parce que la réaction de milieu étudiant et intellectuel a été très forte, puisque même l'armée a intervenu, n'est-ce pas, en pénétrant dans des locales universitaires. Et puis après, la réponse de milliers intellectuels, des professeurs, des étudiants, etc., a été tellement fort que je crois que le gouvernement n'attendait pas cette réaction, n'est-ce pas? C'était vraiment un mouvement pleinement solidaire, en protestant et puis en posant un certain nombre de revendications qu'on pensait nécessaires à ce moment-là, n'est-ce pas? Est-ce qu'à l'intérieur de l'université, il y avait beaucoup d'étudiants affiliés au Parti communiste, par exemple? Non, il y avait très peu à ce moment-là. Il n'y a pas de doute là-dessus, n'est-ce pas? Et je crois qu'un point intéressant, c'est que le conflit n'est pas éclaté comme un conflit entre les étudiants et les autorités universitaires, mais directement entre les étudiants et les gouvernements. Je crois que là-dessus, on peut voir une différence vis-à-vis des conflits qui ont éclaté dans des autres pays du monde, n'est-ce pas? Et quelle a été, dès le départ, la position du corps enseignant par rapport aux étudiants? Depuis le premier moment, pleinement solidaire des revendications des organisations des étudiants qui sont mobilisés extraordinairement depuis le premier moment. Le mouvement étudiant avait un caractère strictement démocratique et après la répression gouvernementale. Je crois que pour tous les étudiants et les peuples jeunes du pays, le mouvement de 1968 c'est une expérience très formidable pour connaître les structures politiques et les systèmes répressifs de l'État mexicain. Et sont les classes moyennes qui ont senti la répression. La répression, c'est systématique sur les paysans et sur les mouvements ouvriers. Vous voulez dire que cette répression sur les paysans et les ouvriers est une répression qui date de toujours? Il y a eu, bien sûr, une répression continuelle depuis très longtemps. Mais c'était un peu, enfin, le gouvernement avait un peu caché cette répression. Si vous voulez, l'importance, enfin, une des très grandes importances du mouvement de 68, c'est surtout qu'il a fait très évident cette répression qui est forme partie structurelle du gouvernement, même internationalement, ce qui est très important d'après la politique internationale du Mexique. Ça, ça fait très évident, si vous voulez, la politique soi-disant pacifiste du gouvernement mexicain, parce que tout le monde s'est rendu compte de la véritable situation. Alors je voudrais maintenant que l'un de vous me décrive les événements jusqu'à l'aboutissement du jour où la police a tiré. Le début du mouvement, c'était le 23 juillet. Il y a une petite bagarre parmi deux groupes d'étudiants. Et sans pouvoir très bien expliquer les motifs, il y a un groupe de granaderos qui ont envahi les écoles en essayant de calmer cette bagarre. Puis après ça, il y a un groupe d'étudiants qui a organisé une manifestation pour protester contre cette intervention. Cette manifestation a lieu le 26 juillet et c'est à ce moment-là que la répression gouvernementale s'est déclenchée, puisqu'il y a les groupes répressifs qui ont dispersé les étudiants et qui ont, enfin, ont provoqué beaucoup de blessés, des bagarres. Dès ce moment-là, sont continués quatre ou cinq jours de grands bagarres au centre de la ville qui ont culminé avec les bazookas à l'entrée de la préparatoire. Après ça, il y a eu une immédiate organisation des étudiants, surtout à l'université. Ils sont organisés en nom de représentants de toutes les écoles. Après, il y a l'Institut Polytechnique qui s'est immédiatement organisé aussi. Ils ont formé un conseil national des grèves qui comptait de représentants de toutes les écoles, de l'université, de l'Institut Polytechnique, de les écoles normales, toutes les écoles supérieures. Puis après ça, on a organisé des manifestations dont la première c'était conduite par le recteur de l'université même. Et cette manifestation a eu un caractère essentiellement universitaire. Enfin, c'était composé par des éléments universitaires surtout. Après ça, on a organisé une deuxième manifestation, encore plus grande, où ont participé des étudiants aussi de l'Institut Polytechnique. C'était beaucoup plus nombreuses, au centre de la ville en plus, parce que l'autre, c'était dans une région un peu écartée de la ville. Ça nous a amené jusqu'au Zocalo. Parmi ces temps-là, il avait les brigades qui commençaient à fonctionner en essayant de répandre un peu le mouvement parmi la population. Enfin, je crois qu'une chose intéressante à dire, c'est le type de revendications qui ont été posées pour les mouvements des étudiants et des professeurs mexicains à ce moment-là, n'est-ce pas? Et il y avait 6 points principaux de revendications. Ce sont été la libération des prisonniers politiques. C'était la dissolution des principaux corps répressifs du gouvernement. C'était aussi la responsabilité de fonctionnaires gouvernementaux, n'est-ce pas? Et divers autres points principaux de revendication. Je crois que ce qui est intéressant, c'est souligner que tous ces points sont été des revendications nettement démocratique, c'est-à-dire c'était pas des revendications révolutionnaires proprement dit ou des revendications socialisantes, disons, mais nettement démocratique. Je crois que cette qualité de revendication ont été en même temps la force et la faiblesse du mouvement. Je crois que c'était la force du mouvement parce qu'on permettait de rallier à diverses couches de la population, n'est-ce pas, sans différence de type idéologique. Mais en même temps, c'était la faiblesse parce que peut-être cette limitation des revendications ont aussi limité la possibilité d'une évolution ultérieure du mouvement, n'est-ce pas, une organisation avec perspective politique à long terme. Mais je crois que c'était très important de poser à ce moment-là des revendications nettement démocratiques, parce que, à différence de ce qui se passe dans des autres pays, par exemple en France, n'est-ce pas, le Mexique n'est pas vécu d'une façon pleine le régime démocratique bourgeois. C'est-à-dire, pour nous, c'est encore un objectif à conquérir, n'est-ce pas? Une autre chose que je crois que c'est intéressant à souligner du mouvement de 68, c'était la capacité d'organisation presque instantanée qu'ont manifesté les étudiants mexicains. Tout de suite, ils se sont organisés par école et puis en mettant en place organismes de représentation très démocratique, n'est-ce pas? Et aussi, ils se sont organisés en petits groupes, les brigades qui parcouraient la ville en tâchant de convaincre différentes couches de la population de la validité et de la justification de ces revendications. Dans la pratique, ce point m'intéresse. Comment s'y prenait-il pour entrer en contact avec certaines couches de la population? Bon, je crois qu'ils ils allaient d'abord à certains quartiers ouvriers et très populaires, n'est-ce pas? Ils tâchaient d'organiser des petites meetings, des petites réunions éclairs, n'est-ce pas? Ils distribuaient des tracts chez la population et même ils se réunissaient, ils tâchaient d'organiser à la population des quartiers, n'est-ce pas, dans des différentes maisons et faire des discussions, convaincre, enfin politiser, faire un travail de politisation et d'idéologisation de la population, n'est-ce pas. Et quel a été l'accueil fait par la population à leurs explications? Politiquement, je crois qu'on doit dire que c'était très petit dans l'ensemble, n'est-ce pas? Il n'y a pas de doute que certaines couches ont été partisans, n'est-ce pas? Bon, je dois dire qu'au point de vue des classes moyennes, c'est-à-dire des classes qui dans la ville sont très liées à la population des étudiants universitaires d'enseignement supérieur, les mouvements a été très populaire, n'est-ce pas? Les classes moyennes ont appuyé assez largement les revendications des étudiants et ont critiqué aussi les gouvernements pour ces méthodes répressives, n'est-ce pas? Mais proprement chez la population ouvrière de la ville, je crois qu'en général, la capacité de pénétration, disons, du mouvement des étudiants a été en général très limitée, vraiment. Les étudiants mexicains tâchaient de suivre les modèles français, n'est-ce pas, de lier, de mobiliser à la classe ouvrière, mais je crois que ça a été impossible à Mexique. Et on peut parler largement là-dessus, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a toute une tradition du mouvement ouvrier mexicain, n'est-ce pas? Et la façon d'être des organisations ouvrières, etc., qui ont empêché une pénétration vraiment effective des étudiants chez les ouvriers. Je pourrais dire encore une chose à propos de ces brigades. Je crois que le contact des étudiants vis-à-vis du peuple, c'était un peu plus une solidarité parce qu'il existe vraiment un mécontentement passif, disons, chez la population. Par exemple, quand on parlait de la dérogation de l'article 145, c'était un peu quelque chose d'un peu éloigné, d'abstrait pour eux. Mais il existait de toute façon une solidarité contre le gouvernement. Enfin, contre la répression. Et alors, la répression se manifestait très vite dès que vous alliez dans ces quartiers en brigade? Non, d'abord, il y a eu une assez grande liberté. On pouvait aller. Enfin, on le faisait vite de toute façon. Mais on pouvait aller. On n'était pas, si vous voulez, poursuivi. Mais depuis, je ne sais pas à quel moment, il y a eu une décision du gouvernement d'arrêter tout ça. et de l'interdire. Et puis dès ce moment-là, la répression était brutale. Enfin, on était vraiment poursuivis et attaqués, arrêtés. Et tout de suite, le 12e et dernier épisode des Carnets mexicains de Roger Pilaudin, toujours en compagnie d'étudiants et de professeurs d'université de Mexico, qui évoquent la répression du mouvement de 1968 par les forces de sécurité. À l'université San Marcos. Le carnet d'aujourd'hui poursuit le compte-rendu d'une rencontre avec des étudiants et des professeurs de l'Université San Marcos de Mexico, étudiants et professeurs qui ont vécu les événements d'octobre 68 sur la place des Trois Cultures, événements auxquels avait fait allusion Carlos Fuentes et que essayent, plus de 2 ans après, de comprendre pour, au-delà de leur peur, pouvoir envisager un avenir. Il y a eu le discours du président de Guadalajara où il tendait sa main pour essayer de calmer tout le monde. Il faisait appel à l'unité, à la sérénité. Après ça, on a continué à organiser des grandes manifestations et on a élaboré les 6 pétitions qui ont été déjà mentionnées, qui avaient un caractère tout à fait démocratique. Et on attendait, si vous voulez, le 1er septembre, qui c'était le jour où le président s'adresse au peuple pour exposer tout ce qu'il a fait pendant l'année. On attendait ce moment pour essayer de trouver une réponse. C'est le jour d'arrivé, on a tous attendu qu'est-ce qu'il disait. Puis on n'a pas trouvé une réponse. Le président parle de certaines pétitions qu'il a entendues, qu'on a faites. Mais il dit qu'il n'a pas reçu une pétition formale. Il n'a reçu qu'une pétition du conseil universitaire que toutes ces pétitions demandent du temps pour se faire résoudre, que ce n'est pas une question de donner une réponse tout de suite, que par exemple la dérogation de l'article 145, ça demande l'intervention du Congrès et ça prend beaucoup de temps. Comme toujours, il fait appel à la calme et tout ça. Il dit que les injures qui ont été infligées, ça ne sert à rien pour lui, qu'il s'en fout de tout ça. Alors, après ça, on organise une autre manifestation, encore beaucoup plus nombreuse, qui, comme le président avait parlé des injures et de tout ça, cette manifestation a une caractéristique spéciale, c'est une manifestation silencieuse, très nombreuse. On répète encore les pétitions qu'on a faites au président, on les éclaircit un peu plus, parce que quand il s'adressait à la population, il a donné un peu l'idée qu'il n'avait pas de problème, qu'il n'avait pas entendu de grands problèmes, tout ça. Bon, alors après ça, il y a eu une autre manifestation, aussi très nombreuse, jusqu'au Zócalo. Et c'est à cette manifestation que l'armée a intervenu pour disperser, pour arrêter les gens, pour blesser tout le monde. Après ça, il y a eu l'armée qui a rentré à l'université. Une semaine après, l'Institut Polytechnique a été envahi aussi. Il y a eu plein de bagarres parce qu'il y a le mec qui résistait. Puis après ça, les mouvements essayaient de trouver d'autres formes de manifestations. Parce que surtout les manifestations, c'était complètement impossible à faire. Il y avait des flics partout. Alors on continuait encore avec les brigades, qui c'était une forme plus facile d'action. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au 2 octobre. Bon, là, c'est assez connu ce qui s'est passé. On a fait appel pour une meeting qui devait se dérouler dans la place des Trois Cultures. C'était un meeting, dès qu'on l'annonçait, c'était un meeting pacifique qui n'avait que l'intention de manifester les mécontentements, surtout par les quantités de personnes qui avaient été arrêtées et pour essayer de trouver une réponse du président, quoi. Bon, c'est à cette meeting, il y a eu plusieurs milliers de gens qui assistaient. Il y avait plein de flics partout, il y avait l'armée, les chars, les tanks. Et, enfin, c'était une ambiance un peu tendue. Et dès que le meeting a commencé, les orateurs ont fait appel à la calme, à la tranquillité, à éviter les provocations et tout ça. Mais enfin, à un certain moment, il y a une lumière dans les ciels, enfin, c'était un signal. C'était la nuit? Si, c'était la nuit, enfin, 8h, 7h. C'était une espèce de signal pour commencer l'attaque. C'est à ce moment-là que l'armée a chargé contre tous les manifestants. Enfin, ça a commencé une bagarre incroyable. Il y a eu plein de morts, de gens qui ont échappé comme ça. Enfin, au même moment de la brutale répression de Tlatelolco, il y a eu partout la ville, il y avait que des flics déguisés ou sans déguisement qui arrêtaient tous les dirigeants et même ceux qui n'étaient pas dirigeants. Il y avait beaucoup d'arrestations. On n'a pas les chiffres exacts de ce date-là, mais on dit que pendant le temps qui a duré le mouvement, il y a eu 8000 personnes qui ont été arrêtées dans un seul département judiciaire. Et le nombre des morts du 2 octobre, est-ce qu'il a été connu? On a parlé de beaucoup de chiffres, puisque comme c'est l'armée qui a contrôlé complètement la place, ce sont eux qui ont ramassé tous les cadavres. Alors ils les ont amenés même au champ militaire, enfin, qui sont très loin pour les enterrer ou pour les brûler ou... Mais on parle de 60 morts, de 300 morts, de beaucoup de chiffres. C'est le New York Times qui a donné le chiffre de 60 et quelques morts. Quelles ont été les conséquences de cette journée dans le mouvement étudiant? En conséquence directe du mouvement, c'est une ampliation de la répression. L'article 145 de la Constitution a changé. Aujourd'hui, l'article c'est plus répressif et il n'y a pas possibilité de manifestation dans les villes. Les condamnés sont élevés à 15, 20, 25 ou 30 années de prison pour les délits de manifestation politique, de grève. Dans les mouvements étudiants, les conséquences immédiates sont une chute du mouvement. Et la dernière, c'est l'échec total pour le moment de tous les mouvements et toutes les organisations qui sont dehors de ce canal officiel. Autre conséquence du mouvement, c'est que les étudiants sont plus politisés et la compréhension du système politique mexicain. Et aussi, c'est la compréhension qu'un mouvement politique et économique réussira seulement avec la liaison des classes moyennes révolutionnaires et avec les classes ouvrières et les classes paysannes. C'est l'unique solution pour notre pays et tous les pays sous-développés de l'Amérique latine. C'était un peu, répéter un peu ce qu'il vient de dire. Et à cet égard, ça me vient à la tête un peu une chose qui s'est passée après le 2 octobre. Bon, il y a d'abord eu une très grande peur de la part des étudiants, puisque la répression était brutale. Mais c'est intéressant de remarquer que c'est le 12 octobre qui ont commencé les Jeux Olympiques. Et que, enfin, si vous voulez, c'était une remarque assez triste et assez dure de voir qu'il y a des événements comme ça, comme peuvent être les Jeux Olympiques, on fait oublier, enfin, 10 jours après, je ne sais pas combien de centaines de morts, parce que les gens étaient tellement aliénés, enfin, qu'il n'y avait rien à faire. Ils avaient complètement oublié, enfin, pas tous, bien sûr, mais parmi les secteurs populaires, disons, de la ville. Alors cela fait aussi que nous repensons un peu ce qui est nécessaire pour un mouvement révolutionnaire. Ce n'est pas des mouvements, disons, si spontanés que ça, qui nous permettront de réussir un jour à faire une révolution. C'est plutôt chercher une organisation solide qui permettra de faire conscience dans ces gens pour éviter des choses comme ça. Conclusion? La question qui se pose d'après cet événement, c'est quelle est la nature des revendications populaires qu'on fera, on devra faire dans le futur. Est-il possible la révolution classique léniniste? Pour moi, ce n'est pas possible dans le Mexique. Quels sont les rôles qu'auront tous les mouvements populaires à niveau locale et nationale dans le Mexique. Une conclusion possible, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles forces dans la structure politique du pays. Et les étudiants, comme une force effective dans les relations politiques et sociales du pays. Le syndicalisme mexicain a une caractéristique plus spéciale. C'est un syndicalisme corporatif. Le mouvement étudiant a laissé implicite la nécessité d'un syndicalisme libre au pays. Je crois que la coordination des étudiants, les classes ouvrières et les classes paysannes dans ce moment, c'est une possibilité très faisable. Mais il y a beaucoup de travail pour tous les étudiants dans ce moment. Vous ne perdez pas espoir. Non, non, non. Vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Están los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina. Con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio. Descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Ces émissions de Roger Pilaudin sont les 11e et 12e épisodes de la série des Carnets mexicains, première diffusion sur France Culture les 16 et 17 juillet 1971. Elles sont à réécouter en ligne et à télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. Puedo olvidarme de Río y su esplendor, ni del Corcovado con la imagen del Señor, la Rua Madureira donde solías tú vivir. No puedo olvidarla aunque jamás estuve allí. No puedo olvidarme que en julio sucedió, que nos encontramos y el destino ya nos separó. Los dos caminamos por las calles de París. Yo hablaba de amor, pero tú me hablabas de tu país. No puedo olvidarme del rato encantador, cuando al aeropuerto en un taxi te llevaba yo. Subiendo al avión, sonriendo me dijiste adiós. Aquel caravel que después jamás llegó. No puedo olvidarme del día en que leí tu nombre querido entre tantos que no conocí. Vino en la portada de aquel diario del Brasil.